Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Le 14 septembre 2015, à 9h, 50 minutes et 45 secondes en temps universel, a pu être détecté aux États-Unis le passage sur Terre d'une onde gravitationnelle émise il y a 1,3 milliard d'années par la fusion de deux trous noirs. Cette observation, rendue publique en février 2016, faisait trembler le monde scientifique et confirmait la prédiction qu'Albert Einstein avait faite un siècle plus tôt, en 1916. L'année précédente, 1915, fut l'une des plus décisives dans l'histoire de la physique moderne, puisqu'elle fut celle de la découverte de la théorie dite de la relativité générale. En 2015, à l'occasion de son centenaire, Michel Alberganti se proposait pour son émission diffusée le jour de Noël de nous faire un cadeau, et pas des moindres, puisqu'il nous donnait quelques éléments pour la comprendre. Science publique, peut-on comprendre la relativité d'Einstein? Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 décembre 2015. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, vos réflexions et témoignages sont attendus sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Est-il possible de comprendre la relativité générale? Aujourd'hui, c'est Noël. Alors que diriez-vous d'un cadeau original? Comme par exemple, comprendre la relativité générale. Alors que tant de présents sont privés d'avenir en étant aussitôt revendus sur la toile, celui-ci présente au moins un avantage. Il est peu probable que vous l'ayez déjà, sauf bien entendu si vous êtes physicien ou bien passionné d'Einstein. Dans ce cas, vous avez certainement célébré cette année 2015 comme elle le mérite. Il s'agit en effet de l'année de publication de la relativité générale. Albert Einstein a alors 36 ans. 10 ans auparavant, à 26 ans, en 2005, il a publié la relativité restreinte. Il semble qu'il ait travaillé sur la relativité générale à partir de 1907, soit donc environ 8 ans de travail pour parfaire ce qui restera son grand œuvre. Cette œuvre a bouleversé la physique avec une théorie si révolutionnaire que 100 ans plus tard, elle n'a toujours pas été détrônée. Une telle découverte a valu à Albert Einstein une célébrité mondiale. Le magazine Time l'a ainsi sacré personnalité du XXe siècle. Tout le monde connaît son visage et sa coiffure ébouriffée, caricature du savant et du génie. Mais qui comprend son travail, ses résultats? Si ce n'est pour utiliser l'expression « tout est relatif » à tout bout de champ, et d'ailleurs en contradiction avec la relativité d'Einstein, dans laquelle il existe des invariants, comme la vitesse de la lumière par exemple. Alors en cette fin d'année 2015, en ce début de 21e siècle, qui verra peut-être un nouveau génie franchir un pas supplémentaire et dépasser la théorie de la relativité, nous allons nous interroger sur son intelligibilité. Comment passe-t-on de la relativité galiléenne du XVIe siècle à la théorie de la gravitation universelle de Newton au XVIIe siècle, puis à la relativité restreinte en 1905 et à la relativité générale en 1915? Pour tenter de vous faire ce cadeau de Noël, nous avons une heure et 3 invités. Françoise Balibar est professeure émérite de physique à l'Université Paris Diderot. Elle a dirigé au CNRS l'équipe chargée de la présentation et de la traduction annotée de 6 volumes d'écrits d'Albert Einstein. Françoise Balibar est l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'un des derniers, écrit avec Jean-Marc Lévy-Leblond et Roland Lehoucq, est intitulé « Qu'est-ce que la matière ?». Il a été publié par les éditions Le Pommier en 2014. Jean Eijenstadt est directeur de recherche émérite en histoire des sciences, spécialiste de la relativité, et auteur de « Einstein et la relativité générale, les chemins de l'espace-temps », publié par le CNRS en 2013. Et Marc Lachiezeray est directeur de recherche au CNRS en astroparticules et cosmologie à l'Université Paris Diderot, et auteur entre autres livres de l'ouvrage intitulé « Einstein à la plage, la relativité dans un transat », publié par Duno en 2015. Je vous rappelle que nous attendons vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Bon, pour resituer la relativité générale dans l'histoire de la physique, il semble nécessaire de remonter assez loin, c'est-à-dire à Galilée. En effet, c'est lui qui introduit déjà la notion de relativité. D'une façon très simple, lorsqu'il observe que quelqu'un qui se trouve dans une cabine à l'intérieur d'un bateau, bien pour cette personne, il n'existe aucun moyen de savoir, à l'aide de ce qui l'entoure, si le navire est à l'arrêt dans un port ou bien en mouvement à une vitesse constante. Ainsi, si le passager s'est endormi au port et qu'il se réveille pendant le voyage, il ne pourra pas décider s'il est parti ou pas. Ce que nous apprend déjà cette relativité galiléenne, on peut se poser cette question, Françoise Balibar. Ce qu'elle nous apprend, c'est un principe parmi d'autres, mais le premier qui a été découvert, qui gouverne le monde, qui gouverne la théorie du monde, du moins celle que les physiciens ont construite, qui veut qu'il y ait des régularités, des lois observées, mais que toutes soient telles que le principe, plus que la notion de relativité, soit satisfait, à savoir qu'on ne puisse pas se rendre compte si on est en mouvement de translation uniforme ou bien si on est à l'arrêt. C'est autrement dit que l'arrêt ne veut rien dire, qu'il n'y a pas de repos. C'est déjà quand même une notion assez forte. Très forte, oui. C'est ce qui lui a permis non pas de démontrer que la Terre tournait autour du Soleil, mais que si elle tournait autour du Soleil, alors on ne pourrait pas dire, rien ne nous permettrait de distinguer cette situation hypothétique à l'époque de celle qui valait de façon prépondérante, à savoir que la Terre était immobile. Entre l'immobilité de la Terre et le fait de tourner à vitesse, pas tout à fait constante, puisque c'est un mouvement circulaire, mais enfin à peu près, ce sont deux situations qui ne peuvent pas être distinguées l'une de l'autre, rien que par l'observation. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit tous les jours, on ne s'en rend pas compte que l'on tourne maintenant, autour du Soleil. On est quasiment dans le ventre de sa mère, on sait que la Terre tourne autour du Soleil. Non, on le sait, mais on ne peut pas le constater ou l'éprouver. Absolument. Physiquement. Et c'est ça toute la différence. Marc Lassiezeré, bonjour. Oui, bonjour. Alors, sur Galilée, point de départ de notre vaste. Alors, bien sûr, le principe d'inertie, c'est absolument fondamental. Et Galilée, d'ailleurs, le résumait par une petite formule que j'aime beaucoup, qui est « le mouvement est comme rien ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas le distinguer. Bon, mais il est assez traditionnel de partir du principe de relativité quand on a à enseigner la relativité, les théories de la relativité d'Einstein. Mais je pense que c'est peut-être pas le meilleur moyen pour comprendre les choses. Parce que, justement, la nouveauté, une des nouveautés, et peut-être la nouveauté essentielle des théories de la relativité d'Einstein, des théories einsteiniennes, c'est de l'incorporer dans leur description d'une manière telle qu'il n'y a plus besoin de le formuler. Et si vous voulez, d'une certaine manière, on peut dire que la physique de Galilée ou de Newton, qui de ce point de vue-là est à peu près identique, était d'une certaine manière incomplète, et on avait besoin de la compléter en énonçant ce principe de relativité, sans vraiment comprendre et sans vraiment réussir à l'accorder à cette physique. Et ce qu'il y a de nouveau dans la théorie de la relativité, c'est non seulement que cette théorie se fonde sur ce principe de relativité, mais qu'elle l'intègre d'une manière complètement naturelle, qu'on n'a plus besoin de l'énoncer. Il est dans la théorie par construction, par essence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. En outre, il est encore plus général que chez Galilée et chez Newton, c'est-à-dire que ce principe de relativité de Galilée est devenu un principe de relativité généralisé. Il est encore plus fort, il a encore plus de puissance. Et deuxièmement, techniquement, il n'a pas tout à fait la même formulation, c'est-à-dire que la manière dont on décrit le mouvement dans les théories einsteiniennes est différente de la manière dont on le décrit dans la théorie de Galilée ou d'Einstein, et c'est ça qui fait la différence. Mais pour préciser, je crois que quand on va essayer de faire comprendre la relativité d'une manière simple, on n'a plus vraiment besoin de formuler ce principe. Je pense qu'on introduit la relativité d'une manière différente, et en fait, pour le dire déjà en termes d'espace-temps, et qu'ensuite, le principe de relativité devient une évidence dans cette description. On n'a plus besoin de le souligner. Alors, je sens que Marc Lassiezeré a absolument envie de brûler les étapes, mais les étapes de l'histoire des sciences sont incontournable. Et il y a celle de Newton. Jean-Yves Stade, bonjour. Newton, qui donc prend la suite de Galilée dans cette vaste histoire. Il prend la suite de Galilée et en particulier à partir déjà de l'expérience de la tour de Pise que Galilée avait faite et qui marque, et ça c'est quelque chose qui va être constant pour Newton, pour Einstein, pour tout le monde, c'est toujours vrai, que tous les corps tombent de la même manière. Et ça c'est fou, c'est-à-dire qu'on a vu ça dans les classes. Quand j'étais gosse, on faisait tomber dans un tube vide un caillou et un bout de coton, on renversait le tube et tout arrivait en bas en même temps. Et ça, c'est pas l'évidence. Et ça a été mesuré depuis, par Newton en particulier, avec des balances de précision et de Vos, etc. Et c'est là-dessus qu'Einstein va se poser pour retravailler la gravitation. Alors, entre deux, bien entendu, Einstein avait utilisé le principe d'équivalence, mais non pas en tant que principe, mais comme outil, pour construire sa loi en 1 sur R2, qui dit que tous les corps s'attirent, une notion de force, un espace absolu, ce qui est fondamental, c'est l'espace euclidien, celui de Galilée, hein. Un temps absolu, une horloge, le bon Dieu à l'infini, qui vous donne le temps pour tous les observateurs. Et c'est toute cette mécanique newtonienne qui va être remise en cause, mais d'une manière dramatique, je dirais, puisque tous les concepts, l'espace absolu, le temps absolu, la notion de longueur, par exemple, j'insiste beaucoup là-dessus, la longueur, un mètre, ça n'a plus de sens en théorie relativiste einsteinienne. Ça n'a plus de sens, parce qu'on n'a pas le concept de rigidité. Et ça, c'est fondamental, tout est foutu par terre. Alors, on va y revenir, je veux, pour qu'on avance tout en sachant quelles sont les étapes précédentes. Je peux rappeler que donc on a appris, Françoise Balibar nous l'a rappelé tout à l'heure, que du temps de Galilée donc est établi que le mouvement est comme rien. Mmh. Ensuite, que tous les corps tombent de la même manière. Voilà deux concepts ou deux observations fondamentales. Oui, mais ce que je voulais dire à propos des principes justement, c'est que on a l'habitude de penser l'avènement de la relativité générale, puisque c'est la vraie relativité. En passant par le principe restreint au mouvement uniforme qui est élaboré par Galilée, que Einstein ensuite étend à la théorie de la lumière, et puis ensuite on passe à la gravitation et ça devient la relativité générale. Or, rien ne prouve que ça soit la seule voie d'accès. Poincaré, par exemple, qui est mort deux ans avant, enfin, 1912, c'est-à-dire que trois ans avant l'élaboration de la théorie de la relativité générale, lui avait tout de suite pensé qu'il fallait se focaliser sur le principe de relativité générale, c'est-à-dire pas réduit au mouvement de translation uniforme. Et donc, il avait, pour ce qu'il cherchait, lui, c'était directement ça. Alors évidemment, on sait qu'il y a eu des problèmes pour savoir à qui attribuer la relativité restreinte, à Poincaré ou à Einstein, mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que ce que cherchait Poincaré, c'était directement la relativité générale. Einstein a fini par arriver. Et il faut peut-être préciser à ce stade quelle est la différence entre les deux. Oui, bien sûr. Pourquoi avoir, et Françoise Balibar explique qu'on aurait peut-être pu se passer de la relativité restreinte, mais pourquoi Einstein a-t-il fait cette étape, James Einstein? Oui, le problème c'est que Einstein avait lu beaucoup de un livre en particulier de Poincaré, et qu'il l'estimait beaucoup, et que Poincaré avait en effet énormément de points clairs, n'est-ce pas, de pièces du puzzle de la relativité restreinte, la constance de la vitesse de la lumière. Vraiment, il avait toutes les pièces. Simplement, il n'a pas construit l'image, et c'est fondamental. C'est Einstein, jeune Einstein, Poincaré était un conservateur quelque part. Un type génial, un très grand mathématicien, il n'y a pas de problème, mais il est clair pour tout le monde que c'est Einstein, et non pas Poincaré, qui a posé la relativité générale, la relativité restreinte. Alors, il y a 10 ans, c'était l'anniversaire, le même que celui de cette année, sauf qu'il s'agissait de la relativité restreinte à l'époque, et il y a 10 ans, donc, la bataille autour de la paternité de Poincaré par rapport à celle d'Einstein était encore assez vive à l'époque. Oui, parce que... Elle existait toujours en France en particulier, puisque évidemment, la France est particulièrement concernée par cette question. Mais là, aujourd'hui, donc, on va parler de la relativité générale. Pourquoi la relativité restreinte, Marc Lachaiserie? Alors, En fait, la relativité restreinte répondait à une crise très grave de la physique au 19e siècle. À savoir que finalement, en résumant, on s'est aperçu que la cinématique, c'est-à-dire la loi du mouvement pour la lumière et la loi du mouvement pour la matière, n'était pas pareille. Pour le dire en deux mots, pour la matière, les vitesses se composent en s'additionnant. Pour la lumière, la vitesse reste toujours la même. Donc il y avait une sorte de hiatus et les physiciens étaient extrêmement troublés par ce hiatus. Donc c'est l'histoire du train avec des phares allumés. Oui, on peut le dire. Voilà, par exemple. La vitesse de la lumière n'est pas la somme de la vitesse de la lumière. On peut le dire comme ça, effectivement, c'est une manière d'illustrer. Donc une crise très profonde et bon, on pourrait pas, il faut passer un peu rapidement sur cette histoire qui est très longue, mais ce qui s'est passé, c'est que Einstein a résolu cette crise en 1905 avec la relativité restreinte. C'est vrai que Poincaré, du point de vue mathématique, a donné des éléments fondamentaux, mais le mérite d'Einstein est d'avoir compris que pour résoudre cette crise, il fallait complètement changer notre vision du monde, il fallait complètement changer le cadre dans lequel on fait de la physique. Et ça a été la première étape dans cette révolution relativiste. Et on peut résumer ça par l'abandon des notions d'espace et de temps. Et un petit peu plus tard, Minkowski, qui était un des anciens professeurs d'Einstein, va introduire cette nouvelle notion qui est celle de l'espace-temps. Donc historiquement, ça s'est fait de cette manière. Mais je crois que si l'on veut maintenant faire comprendre ces théories relativistes, d'abord restreintes et puis générales, de la manière la plus simple possible, il faut d'emblée partir de la description en espace-temps. C'est-à-dire, et c'est ce que je fais quand j'enseigne la relativité, par exemple, à des philosophes ou à des auditeurs qui n'ont pas forcément une formation mathématique, c'est que la relativité, le message essentiel, c'est l'abandon du cadre dans lequel on fait de la physique, qui était celui de Newton, à savoir l'espace et le temps, et le remplacement par un cadre complètement différent qui est l'espace-temps. Et puis ensuite, ce que va dire la relativité générale, c'est que cet espace-temps a certaines propriétés. Il a une forme qu'on décrit par une courbure, et cette forme sera ensuite identifiée à la gravitation. Mais la première étape, et je pense que c'est la plus difficile, c'est-à-dire si l'on a compris cette première étape, c'est-à-dire si l'on a compris la relativité restreinte, ensuite, il me semble que la compréhension de la relativité générale est quelque chose de relativement facile. Mais le plus difficile, et ça on le voit très bien, c'est de renoncer à cette notion d'espace et surtout de temps. Parce que finalement, nous avons complètement ancré dans notre manière de penser, on pourrait dire presque dans nos neurones, on a complètement ancré cette notion de temps et on s'en sert absolument tout le temps, justement. Et quand on parle dans le langage ordinaire, on est obligé, lorsqu'on utilise un verbe, de l'utiliser soit au présent, soit à l'imparfait, soit au futur. Et partout dans notre langage, dans notre vie de tous les jours, le temps est là. Et si l'on veut vraiment comprendre la relativité, et la difficulté est là, il faut renoncer à cette notion de temps. Donc c'est difficile, c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est de renoncer à tout ce qu'on sait, ce que l'on croit vraiment connaître et faire partie du monde. Alors la relativité restreinte, en tout cas, c'est la révélation que la vitesse de la lumière est une valeur, est un invariant de l'univers, et c'est un bouleversement en 1905. Alors pourquoi, Françoise Balibar? D'abord parce que justement, le mot dire que c'est la vitesse de la lumière pose un problème, parce qu'une vitesse, c'est la vitesse d'un objet, donc les vitesses s'ajoutent. Quand on lance une bille dans un train, la vitesse, c'est, enfin selon le sens dans lequel on lance la bille, la vitesse par rapport au remblai, c'est la vitesse du train plus la vitesse de la bille. Et dire que la lumière échappe à ça, ça pose un problème de savoir de quelle nature est la lumière. Et d'ailleurs, Einstein, il faut quand même le remarquer, c'est celui qui, en 1905, donne, en même temps que la théorie de la relativité restreinte, il fait une proposition théorique sur la nature de la lumière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme on l'avait pensé. Justement, quand on sépare l'espace et le temps et qu'on dit que une onde se propage avec une certaine vitesse, etc., et qu'il faut le penser aussi comme un grain d'énergie. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Jean Eisenstadt, vous vouliez intervenir? Oui, par rapport à la lumière, le fait que la vitesse de la lumière soit constante, c'est quelque chose que l'on savait depuis le XVIIIe siècle. Simplement, on n'y prêtait pas attention et on la voyait d'un point de vue corpusculaire. Hein, et ça posait pas de problème jusqu'à Arago. Et puis, petit à petit, dans le 19e, ça a été la grande question. Puisque la vitesse est constante, on ne peut pas lui appliquer la loi d'addition des vitesses. Et là, c'était un gap. Hein, et on a vu les expériences de Michelson, etc., qui ont ancré le problème. Et il fallait en sortir. Et en effet, c'est Poincaré, pour certaines de ses idées, c'est sûr, mais surtout Einstein qui l'a permis. Donc, ça paraît quand même quelque chose qui, vu de loin comme ça, n'est pas une notion extrêmement compliquée, mais on se rend compte qu'elle joue un rôle absolument essentiel, cette vitesse fixe de la lumière. C'est même plus grave que ça, c'est que la vitesse de la lumière, c'est n'était pas dans les équations d'Einstein, sinon comme constante, mais bon, elle n'était pas dedans, disons. Et elle a un rôle fondamental dans la structure de l'espace-temps, aussi bien que dans les équations maintenant, à partir des relativités. Alors je voudrais dire un mot du mot relativité, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais il faut y insister, c'est vraiment une mauvaise manière de nommer cette théorie. Einstein aurait voulu théorie des invariants. Le problème de la relativité, c'est que lorsque vous regardez un objet qui est invariant, qui est lui, qui est en soi, eh bien vous pouvez en faire une description en fonction de l'observateur, de chaque observateur, par projection. Et c'est ça la relativité. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question « Est-il possible de comprendre la relativité générale ?» avec nos invités. Françoise Balibar, professeure émérite de physique à l'Université Paris Diderot, Jean Gienstadt, directeur de recherche émérite en histoire des sciences, et Marc Lachiezeray, directeur de recherche au CNRS en astroparticules et cosmologie à Paris Diderot. Alors voilà, le mot est lâché, la relativité n'est pas ce qu'on croit. Ça, c'est une des grandes leçons de l'après-Einstein, c'est-à-dire ce mot a finalement induit beaucoup d'esprits en erreur. Lui-même, d'ailleurs, je crois, militait aussi pour la nouvelle théorie de la gravitation et non pas. Oui, mais même théorie des invariants, il aurait voulu. Ou théorie des invariants. Ce qui, les invariants, c'est encore pire parce que c'est le contraire de ce que dit la théorie de la relativité. Françoise Balibar, comment en est-on arrivé à cette popularisation du terme qui est peut-être le plus difficile ou qui donne le moins d'indications précises sur ce que représente vraiment la théorie de la relativité générale? Ça, alors, je ne sais pas exactement. Moi, je vois surtout l'influence du vocabulaire anglais. C'est-à-dire qu'il y avait toute une théorie de la relativité, qui était une position philosophique assez conservatrice et qui consistait à dire que nous sommes, enfin, qui est partie du fait que nous ne sommes rien devant Dieu, tout est relatif, quoi. Ensuite, comment ceci est passé d'abord dans le langage français, puis dans le langage allemand? Mais relativité, Einstein l'emploie pas au début. C'est relativité de théorie, ça a été d'autres que lui qui en ont parlé. Mais après, donc il s'est fait déposséder un petit peu de son travail pour qu'il ait été rebaptisé par d'autres. Théorie de la relativité, et avec tous les dégâts que cela a provoqué, Marc Lachiezeray. Oui, et je pense que c'est particulièrement pernicieux, parce que souvent on entend dire que dans la relativité, le temps absolu disparaît et il y a des temps relatifs. Mais moi je me bats contre cette idée, parce qu'il n'y a pas du tout de temps. Et donc il n'y a pas des temps relatifs, mais il n'y a pas de temps. Mais en revanche, il y a un espace-temps qui, lui, n'est plus du tout relatif, qui est justement, on peut dire, un de ces absolus de la théorie. Et quand on parlait tout à l'heure de la notion de vitesse de la lumière, bien sûr, c'est fondamental, mais en relativité, il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps, donc il n'y a plus non plus de vitesse. Et ce qu'on appelait vitesse de la lumière, finalement, dans la théorie de la relativité, ça n'existe plus, mais c'est devenu une propriété structurelle de l'espace-temps. Autrement dit, la vitesse de la lumière, c'est maintenant une propriété de l'espace-temps, et la lumière, elle n'a pas le choix, parce qu'elle se propage dans l'espace-temps, et finalement, elle doit obéir à cette propriété, ce qu'on traduit dans le langage courant en disant qu'elle a une vitesse qui est sa valeur 300 000 km par seconde et qu'elle est constante, mais on le dit d'une autre manière en relativité, et c'est beaucoup plus économique, et c'est quelque chose, effectivement, qui est absolu, mais qui est contenu dans l'absolu, dans l'invariant, si vous voulez, que représente l'espace-temps. L'espace-temps, il est là, il est le même pour tout le monde, et il n'y a pas vraiment de temps relatif, il n'y a pas vraiment de temps absolu, d'espace relatif non plus. Est-ce que ça veut dire que quand on parle des quatre dimensions, c'est tout à fait légitime, mais donc les trois dimensions, ce qui serait une erreur, c'est d'assimiler une de ces dimensions au temps. Il y a quatre dimensions d'espace-temps, et ça ne veut pas dire trois dimensions d'espace plus une dimension de temps. Ça veut dire quatre dimensions d'espace-temps. Ça veut dire quatre dimensions d'espace-temps. Qui sont lesquelles, alors? C'est justement, il faut renoncer à cette idée de... Il faut renoncer à beaucoup de choses. Ah, il faut renoncer à cette idée de les assimiler à ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire l'espace et le temps. Donc 100 ans plus tard, on est à peu près dans la même situation, sans doute, pour ce qui est de tous ceux qui n'ont pas étudié la relativité générale de façon très approfondie, devant cette nécessité de remettre en cause nos perceptions, Françoise Balibar. Et c'est ça qui finalement... Oui, il ne faut pas non plus exagérer, parce que nos perceptions, elles restent ce qu'elles sont. Je marche, donc je suis dans l'espace, et ça prend du temps, etc. Mais moi, je ne me rends pas compte. Je pense qu'il ne faut pas le dire comme ça, justement. Je pense qu'il ne faut pas le dire comme ça. Parce qu'il y a une notion qui reste parfaitement bien définie en relativité. Je dis l'impression, c'est ça. Oui, mais... Mais c'est pas comme ça que ça se passe réellement. Voilà, il faut se battre contre ces impressions. Mais quand tu te marches dans la rue, tu t'imagines quand même pas à chaque instant dans l'espace-temps, dont les quatre dimensions ne sont ni espace ni temps. Voilà, Marc Lachaiserie, lui, a changé. J'insiste sur le remplacement de la notion de temps par la notion de durée. Parce que la notion de durée, c'est quelque chose dont on a l'habitude et qui reste parfaitement bien définie en relativité, qu'elle soit restreinte ou qu'elle soit générale. Et finalement, cette notion de temps dont nous avons l'habitude, elle est construite à partir de la notion de durée parce que, dans la physique newtonienne et apparemment dans la vie de tous les jours, les durées se combinent d'une manière cohérente et on peut reconstituer à partir d'elles ce qu'on appelle le temps. Et c'est ça qui est devenu impossible en relativité et c'est pour ça qu'il est impossible de reconstituer un temps fut-il relatif. Jean Eisenstadt. Oui, le problème, c'est qu'on manque d'une théorie de la mesure. Les deux seules choses dont on dispose, en fait, dans les années 60, c'est par un très grand auteur, c'est la coïncidence de deux événements, un choc, et le temps propre. Alors, qu'est-ce que le temps propre? C'est un peu la durée, je suppose, de ce que tu... Je parle de durée. Bon, moi, je préfère le temps propre parce que c'est comme ça que ça se nomme en relativité. C'est la montre que vous tenez à votre bras. C'est votre temps propre. Le problème, c'est que chaque particule, chaque personne, a son propre temps propre. Et que donc on va devoir construire l'espace, parce que la relativité générale, c'est une machine à construire des espaces-temps, on va devoir construire l'espace-temps, et d'intégrer dedans d'une manière cohérente chacune des trajectoires de chacun d'entre nous et de chacun des objets de l'espace. Et ça, c'est un gros problème, c'est ce qu'on appelle un univers, parce qu'il y en a autant que de solutions possibles. Donc voilà, alors, semble-t-il, c'est le temps universel qui disparaît, le temps général. Absolument, il n'y a plus de temps absolu. Et qui est remplacé par un temps par particule, comme vous dites. Exactement, un temps propre. Un temps propre à chaque composante de... Si je puis me durée est mieux. Si je puis me permettre. Une durée propre. Non, durée. Enfin, une durée. Les deux, quoi. Oui, enfin, c'est le temps propre tel qu'on l'utilise chez les physiciens, chez les relativistes. Moi, je pense qu'il vaut mieux parler de durée, mais je vais m'expliquer. Un point qui va préciser les choses, j'espère, et qui est fondamental pour toute la physique, c'est que chaque particule, par exemple, de carbone 14, n'importe quoi, a son temps propre lorsque vous faites les mesures auprès de lui, qu'il soit sur Sirius, sur la Terre ou n'importe où, et c'est la même fréquence et le même temps propre. Le temps propre, c'est fondamental et ça permet de construire les cosmologies, les espaces, etc. Et ça, c'est une chose auquel on croit. Alors, le temps propre, ça c'est fait. Parlons de l'espace-temps. L'espace-temps, quand même, qui est la notion fondamentale et qui est peut-être la plus inaccessible de la relativité générale. L'espace-temps, si on oublie un peu le reste, comme il faut faire, je crois qu'on peut l'introduire d'une manière simple. Parce que l'espace-temps, c'est simplement une entité géométrique qui représente d'une certaine manière l'ensemble de tous les événements. Peut-être pas des événements réels, mais au moins des événements potentiels. C'est-à-dire qu'un point de l'espace-temps, c'est un événement, ou du moins un événement potentiel. C'est-à-dire qu'en un point de l'espace-temps, il y a un événement qui se déroule ou qui aurait pu se dérouler. Par exemple, bon. Un événement, par exemple, je suis en train de parler à cet endroit précis, à ce moment précis, c'est un événement. Une supernova explose quelque part dans l'univers, c'est un événement. Une comète s'écrase sur la planète Jupiter, c'est un événement. Tous ces événements vont être représentés par des points de l'espace-temps. Si maintenant je m'intéresse aux événements qui me concernent moi, là je suis en train de vivre un événement, dans une seconde j'en vivrai un autre, etc., etc. Chacun de ces événements est un point. Et comme ils sont finalement reliés les uns aux autres de manière continue, ce qui fait mon existence, ça veut dire qu'ils forment une ligne dans l'espace-temps, que je vais appeler ma ligne d'univers. Et cette ligne d'univers qui me caractérise parfaitement du point de vue de la relativité, C'est moi. Moi, je suis cette ligne d'univers qui commence à ma naissance et qui finit à ma mort et qui se constitue de la succession continue de tous les événements que j'ai vécus. Chacun de nous vit une ligne d'univers. Quand on se retrouve ici dans ce studio, ça veut dire que nos lignes d'univers vont passer par le même point de l'espace-temps, puisque cet événement, nous sommes en train ici de faire une émission, nous le vivons, c'est un événement qui est commun à nous tous. Mais la notion de ligne d'univers est fondamentale, et du coup, on peut tout décrire avec ça. Et l'ensemble de toutes les lignes d'univers, de toutes les particules, de tous les objets, on peut voir l'espace-temps de cette manière-là. Mais ce qu'on voudrait, par exemple, appeler le temps, on a parlé de temps propre, ou moi je parle plutôt de durée propre, ben c'est simplement les longueurs de ces lignes, les longueurs de ces petits morceaux de lignes. Par exemple, quand je vais dire j'ai vécu une durée de une heure, celle de cette émission, par exemple, ça veut dire qu'entre l'événement de ma ligne d'univers qui correspond au début de l'émission, et puis l'événement qui correspond à la fin de l'émission, eh bien, il y a un petit morceau de ma ligne d'univers. Il y a un segment de ma ligne d'univers. Ce segment, il a une longueur dans l'espace-temps. Et c'est exactement ça qu'on appelle la durée. Donc, c'est un concept, finalement, qui est très, très simple. Et si on était en physique newtonienne, bah, toutes les durées seraient identiques. Et ça permet de dater les événements. On peut définir un temps. Là, on ne peut plus parce que entre deux événements, eh bien, les durées sont pas nécessairement les mêmes. C'est-à-dire, entre le début de cette émission et la fin de cette émission, s'il y a un auditeur qui s'est mis à courir très très vite, bon, il faudrait qu'il aille presque à la vitesse de lumière pour que ça ait un sens, mais ça veut dire que entre le début de cette émission et la fin, alors que pour nous, il s'est déroulé une heure, ben pour lui, ce serait déroulé peut-être un petit peu moins, 59 minutes. Bon, en fait, il y a vraiment une différence, mais elle est d'1/1000000000 de seconde, elle est complètement indécelable dans la vie courante. Et c'est pour ça que dans la vie courante, on utilise parfaitement cette notion de temps. Alors Françoise Balibar, comment passe-t-on de cet espace-temps-là que maintenant on commence à visualiser grâce à Marc Lachaiseret, à la gravité? Alors, l'espace-temps en question, il dépend évidemment de ce qu'il y a dans l'espace-temps. Il est fait de toutes les lignes d'univers des uns et des autres et donc aussi de leur existence propre. Ils ont une certaine masse. C'est ça qui fait que cet espace a une certaine courbure. Alors, la courbure d'un espace, c'est pas très difficile de s'en faire une idée qui est trop analogique, mais enfin qui quand même fonctionne un peu. C'est comme quand vous considérez, vous représentez un espace à deux dimensions par une toile tendue. Vous mettez, on dit toujours un pamplemousse, c'est parce que ça vient des États-Unis cette image, au centre, et l'espace devient courbe. Alors vous pouvez soit considérer que quand vous mettez une petite bille, elle est attirée par sur le bord de la toile, elle est attirée par le pamplemousse, ou bien qu'elle suit la ligne de plus grande pente, qui est elle-même fonction de ce qu'est le pamplemousse. Est-ce que ça permet justement de s'abstraire de cette notion d'attirance d'un corps par un Absolument. Autre? Absolument. Et donc de la notion de force. Donc la notion de force. Donc c'est juste finalement une forme géométrique, c'est une situation de courbure. C'est-à-dire une courbure, c'est une quantité algébrique et géométrique. Donc là on voit on voit qu'il y a trois mots qui finalement arrivent à peu près à couvrir le champ de ce qu'on est en train d'essayer d'explorer, c'est-à-dire la relativité générale, qui sont la courbure, l'espace et le temps. Donc, oui, comment parler des équations? Ah, c'est ce que je voulais éviter, mais si vous pensez que non, on ne va pas parler des équations en détail, mais disons, je l'ai déjà dit. Voilà, comment les équations d'Einstein font le lien entre tout ça. Voilà, c'est cela. Bon, vous avez deux termes. À gauche, un terme géométrique qui va décrire l'espace-temps qu'on va fabriquer. C'est une machine à construire l'espace-temps. Et à droite, on y met la matière. Alors, en fait, on fait des hypothèses. Par exemple, pour construire l'espace-temps autour du Soleil, on met une masse au centre d'un espace vide, et puis on résout les équations à l'extérieur, et on trouve la solution qui va permettre de décrire les trajectoires des planètes. Ou bien, en cosmologie, on suppose, Einstein le fait en 1917, une distribution de matière dans le terme de droite qui est totalement homogène, hein, le même partout, C'est une hypothèse forte, mais qui est toujours valable. Et on regarde ce que ça donne à gauche, en résolvant, en tournant la moulinette de l'équation. Et on trouve la solution d'Einstein d'abord, puis Friedman, etc. Et ensuite la cosmologie moderne, standard. Alors c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est que très peu de temps après avoir fini de trouver ces équations, Einstein a cherché à les vérifier, ce qui est un réflexe de scientifique tout à fait judicieux. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a réussi à, dans un cas particulier, à vérifier l'exactitude de ces équations, Marc Cachezaille. Oui, absolument. Mais bon, je voudrais peut-être revenir quand même un petit peu sur la présentation de la relativité, parce que on a été un peu vite. Donc il faut comprendre qu'il y a la première étape. On est obligé un peu d'aller. Oui, bien sûr. Mais la première étape, c'est le remplacement de l'espace et du temps par l'espace-temps. Et ça, c'est l'étape de la relativité restreinte 1905. Mais cet espace-temps n'a pas encore de forme. Il est plat, d'une certaine manière. Et Einstein veut introduire la gravitation. Et la grande nouveauté qui va constituer la relativité générale, c'est que cet espace-temps, il a une forme géométrique. Et cette forme géométrique s'identifie à la gravitation. Et toute la théorie, à ce moment-là, se résume à deux lois qu'on a déjà évoquées. Première loi, la courbure de l'espace-temps dépend du contenu matériel énergétique de l'univers selon l'équation d'Einstein. Et deuxième loi, les corps qui se déplacent dans l'univers vont suivre cette courbure en décrivant ce qu'on appelle des géodésiques. Et c'est ça qui résume totalement la relativité. Alors du coup, la lumière dans l'espace-temps déformé de la relativité générale, elle est obligée de suivre la courbure. Autrement dit, les rayons lumineux ne sont plus des droites, ce sont des courbes. Et l'effet que ça induit, c'est que si on regarde un objet lointain, une étoile par exemple, et que le rayon lumineux qui vient de l'étoile et qui nous atteint, qui nous permet de voir l'étoile, n'est pas une droite mais est une courbe, ça veut dire que nous allons voir l'étoile dans une position apparente qui est déviée par rapport à la position réelle. Et comme vous l'avez dit, en 1919, il y a pu y avoir, lors de l'observation d'une éclipse, la constatation que, d'une certaine étoile lointaine, effectivement, le rayon lumineux était courbé. Donc on a vérifié d'une manière extrêmement directe la courbure des rayons lumineux qui manifestait elle-même la courbure de l'espace-temps prévue par la relativité générale. Et ça, ça a été une annonce extrêmement spectaculaire. C'est ça qui a fait la célébrité d'Einstein quasiment d'un coup en 1919, parce que cette théorie aussi bizarre, aussi difficile à comprendre, qui faisait intervenir des mathématiques qui à l'époque n'étaient pas encore vraiment passées dans les mœurs, eh bien cette théorie tout d'un coup s'est trouvée vérifiée d'une manière extrêmement spectaculaire et directe. Et rapide, c'est ça qui est quand même étonnant, Françoise Balibar. Deux ans après, ou trois ans après avoir publié ses travaux, fini ses travaux, Einstein peut les vérifier et donc avoir la preuve expérimentale d'une théorie, car il ne faut pas oublier que tout ce dont on parle là, c'est alors, une il théorie. Alors, il est supposé avoir dit, quand à Berlin, on lui a annoncé le résultat de l'expédition d'Eddington, l'astronome anglais qui avait mené cette expédition et ses mesures, il est supposé, Einstein, avoir dit « Oui, je le savais, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été dommage pour Dieu ». Bon, je ne suis pas sûre qu'il ait dit ça. Là, il a été pris dans une espèce d'euphorie. Mais, alors, ce qu'il faut voir aussi, c'était que le contexte international dans lequel ça s'est passé, il est clair que c'était une théorie révolutionnaire. Mais ce qui a fait grand bruit aussi, c'est le fait qu'une équipe anglaise partent à l'autre bout du monde, donc trouvent les moyens financiers pour ça, pour vérifier une théorie allemande. Lesquels, allemands et anglais, venaient pendant 4 ans de s'entretuer. C'est à l'origine d'une idée, d'une naïveté totale, mais sur laquelle beaucoup de gens ont vécu, à savoir que grâce à la science, il n'y aurait plus de guerre, parce qu'on aurait des objectifs nobles en commun. Alors qu'en fait, ça s'est fait juste dans la fenêtre, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où les mêmes acteurs, d'ailleurs, ont repris leur posture habituelle. Oui, avec d'autres considérations, mais c'était faire une... se faire une illusion sur la nature humaine assez c'était, malheureusement, étonnante. Oui, à l'époque, c'était quand même peut-être aussi une époque particulière où voulait le croire. On voulait y croire. Il y a quand même un mot à dire sur cette notion de théorie, puisque là, on est sur devant une des théories les plus célèbres et les plus puissantes aussi, qui ait jamais été conçue par l'homme. Mais ça reste une théorie. Tout ce que nous a brillamment expliqué Marc Lachaiseré, c'est une représentation de ce qui se passe dans la réalité. Et souvent, il est difficile de faire la part entre, justement, ce qui relève d'une théorie et ce qui relève du réel, de ce qui existe dans la nature, Jean-Einstein. Oui, le réel, c'est l'observation. Alors que la théorie, c'est une représentation. C'est une invention. Et Newton, sa loi en 1 sur R2, n'est plus valable aujourd'hui, puisqu'elle est remplacée par celle d'Einstein qui prend pas du tout la même forme. Et le 2, finalement, il est mythique, mais il n'existe pas. Et pourtant, ça marche très bien. Ça marche encore très bien. Et justement, ça a marché très bien jusqu'aux années 1850. Et je voudrais revenir là-dessus, parce qu'il y a eu un effet qui est fondamental pour la théorie d'Einstein dont on n'a pas parlé. C'est l'anomalie qu'on rencontre en théorie de Newton. Il y a une planète qui est très proche du Soleil, hein, c'est Mercure. Hein. Et le périhélie de Mercure, c'est-à-dire le mouvement de Mercure, n'obéit pas à Newton, aux lois de Newton. Et ça a été un problème entre 1870 et 2015. On a même inventé une planète pour essayer... 1915. On a même inventé une planète pour essayer de réduire cette anomalie. Et si Einstein a pu exister avec sa théorie de la relativité générale, c'est bien parce qu'il s'est appuyé sur Mercure, non pas comme idée, mais comme vérification du chemin, du lieu du chemin où il se trouvait. Il a fait plusieurs théories de relativité qui n'ont pas été suffisantes, et chaque coup, il travaillait sur Mercure et il disait, non, j'ai pas le bon périhélie. Et lorsqu'il l'a eu, il a dit Eureka, et c'était 1915, en novembre. France Culture, Science Publique, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question « Est-il possible de comprendre la relativité générale ?» avec nos invités Françoise Balibar, professeure émérite de physique à l'Université Paris Diderot, Jean-Einstein, directeur de recherche émérite également en histoire des sciences, et Marc Lachaiseré, directeur de recherche au CNRS en astroparticules et cosmologie à Paris Diderot. Pour progresser un petit peu dans cette description de la théorie de la relativité, il faut quand même aussi passer à ce que elle a laissé comme trace. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes 100 ans plus tard, et il se trouve que la théorie de la relativité générale n'a pas été véritablement dépassée, Françoise Balibar. C'est ça aussi une des caractéristiques particulières de cette théorie. Oui, ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais. Non, bien sûr. Mais le temps, la durée de vie s'est allongée par rapport à d'autres théories. Marqué entre Galilée et Newton, il y a un siècle à peu près. Un peu moins, parce que Newton est né l'année où Galilée est mort. D'accord. Mais moi, je les mettrais dans le même panier. C'est la même théorie, développée un peu plus par Newton par rapport au stade dans lequel l'avait laissé Galilée. Non, ce qui pourrait plus être comparable, c'est justement la théorie de la lumière qui a précédé la théorie de la relativité restreinte. Parce que la théorie de la relativité restreinte, on peut dire que c'est l'achèvement de la théorie de Maxwell qui, en 1800, vers les années 70 du 19e siècle, a été considérée comme la théorie révolutionnaire de la lumière. Et ce n'était pas achevé, ça ne l'a été que à partir du moment où justement Einstein a montré qu'il n'y avait pas de contradiction entre cette théorie de Maxwell et la physique antérieure, et que par conséquent, ça fit terminer, ça compléter, comme on dit, la théorie de la lumière. Donc, la théorie de la gravitation, celle d'Einstein, pour le moment, n'est pas détrônée. Mais les difficultés ne viennent pas forcément, viennent probablement d'ailleurs, pour le moment en tout cas, c'est plutôt dans la compatibilité de la théorie de la relativité générale avec l'autre théorie, la grande théorie du 20e siècle, la théorie quantique, qui est pour le moment la question non résolue. Alors il y a ça, évidemment, on va en parler, on va dire deux mots, mais il y a également à l'intérieur même de la cosmologie, de l'étude donc de l'espace qui nous entoure, l'apparition, non pas de ce que l'on attendait, par exemple les ondes gravitationnelles ou les gravitons, des choses qui pourraient être, qui pourraient renforcer les idées d'Einstein, mais de l'apparition de choses étranges, comme la matière noire, l'énergie noire, qui posent des problèmes qui n'ont visiblement pas été résolus. Donc c'est plus qu'une absence d'avancée, c'est plutôt aussi la rencontre de difficultés nouvelles, Marc Lachaiserie. On est dans une situation où il y a deux aspects qui se contredisent finalement. C'est que le premier aspect, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est que la théorie de la relativité est une théorie extrêmement cohérente et finalement, je pense, conceptuellement extrêmement simple. C'est-à-dire, une fois qu'on a renoncé à l'espace et au temps, l'énoncé, je dirais, philosophique de ce qui se passe dans la théorie est extrêmement simple, beaucoup plus simple que la physique newtonienne. Et c'est finalement d'ailleurs par cette simplicité que Einstein l'a découverte. Et c'est le sens de la petite phrase d'Einstein quand on lui a annoncé la confirmation par l'éclipse. Donc elle est tellement simple et élégante et cohérente que on voit mal comment la modifier d'une manière qui puisse conserver cette simplicité et cette élégance. Donc il y a une sorte d'inertie naturelle de la relativité, mais qui est une de ses qualités. Alors en même temps, la relativité est très bien vérifiée dans le système solaire, les ondes gravitationnelles, on ne les a pas encore détectées, on les attend sous peu, mais on a mis en évidence quand même d'une manière indirecte par l'intermédiaire des observations d'un objet bizarre qui s'appelle le pulsar binaire et on est convaincu de leur existence. Et donc c'est un autre type de confirmation de la relativité. Alors il est vrai qu'en cosmologie ou dans certaines situations d'astrophysique, il y a des situations qui semblent mal décrites par la relativité. Et on a le choix. Soit on peut penser que c'est un signe que la relativité ne s'applique pas vraiment à ces situations, soit on peut penser qu'il y a un autre phénomène un petit peu inconnu qui pourrait expliquer les choses. C'est un petit peu comme le périhélie de Mercure. Est-ce que cette anomalie était due au fait que la théorie qu'on avait à l'époque, la théorie de Newton, n'était pas la bonne ? Ce qui a été la vérité, ou bien on pouvait penser aussi qu'il y avait, comme l'a dit Jean tout à l'heure, qu'il y avait une planète cachée qui modifiait la situation. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a un parallèle quand même avec la masse cachée, la masse manquante, ouais. Sauf que là, c'est pas un détail de périhélie, là, c'est 95% de l'ensemble de la matière de l'univers. Alors, on peut quand même s'étonner de l'importance du chiffre, ça serait 2 ou 3%, on s'inquiéterait moins. Il y a un problème, effectivement, en astronomie, qui est qu'on n'arrive pas à expliquer la dynamique des galaxies ou des amas de galaxies. Et une des manières que nous avons de l'expliquer aujourd'hui, c'est de dire qu'en plus de la matière que l'on voit, il y a de la matière invisible, qu'on appelle aussi matière cachée, matière sombre, matière noire, ça veut dire la même chose, et qui exerce une influence gravitationnelle expliquant justement les mouvements un peu rapides que l'on observe. Bon, cette matière, on la cherche depuis un siècle et on la trouve pas. Et il y a maintenant des raisons qui conduisent à penser que peut-être elle n'existe pas, c'est-à-dire que peut-être l'explication de ce qu'on appelle le problème de la matière noire n'est pas la matière noire, mais c'est peut-être le fait qu'il faut modifier cette théorie de la relativité générale qui pourtant est si harmonieuse et si belle. Françoise Balibar. Oui, je t'écoute. Dans la même situation que cette planète inventée pour la circonstance. Ce qui est étonnant, c'est justement ces histoires d'ordre de grandeur. Parce que la différence dans le périhélie de Mercure, c'est, je ne sais plus, quelques centièmes de seconde par an. D'arc par siècle. Par siècle. Donc c'est rien. Alors que là, la matière noire, c'est supposé être monstrueux, enfin massif. Voilà, c'est pas un petit manque, quoi, c'est un gros manque. Oui, alors, mais ça a le même effet épistémologique. Et alors, on se demande. Et là, pour l'instant, on est quand même plutôt dans la phase de recherche de la matière noire, plus que, semble-t-il, de remise en cause, même si Marc Lachaiserie le laisse entendre, que ça puisse commencer à apparaître. Je crois qu'il y a maintenant de plus en plus d'astronomes qui penchent vers la deuxième solution. Il y a une évolution. Disons qu'il y a 20 ans, je dirais, tous les astronomes quasiment pensaient que la réponse au problème, c'était la matière noire. Maintenant, je dirais, c'est faute de l'avoir trouvé, ça s'épuise un peu. Oui, et puis il y a aussi certaines observations astronomiques qui s'accorde mal avec l'idée de matière noire. Là, il faudrait être un petit peu, il faudrait rentrer dans les détails pour comprendre ce que c'est, mais c'est difficile. Jean Eisenstadt. Oui, il y a une autre question qui se pose. C'est la cohérence de la relativité générale et de la théorie quantique. Absolument. On n'a pas de théorie unitaire, et en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Le gros problème, c'est que les deux espaces sur lesquels sont construits la théorie quantique, c'est finalement un espace assez plat, disons, c'est l'espace de Minkowski, tandis que la théorie de la relativité générale, c'est un espace riemannien. Ça pose de nombreux problèmes difficiles, et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus sans que il y ait eu d'avancées importantes ces derniers temps, que je sache. Donc, en fait, le problème est aussi là. C'est pas seulement le problème de la matière noire, c'est tout simplement le problème d'une théorie unitaire qui a beaucoup d'importance en ce moment. Je voudrais encore ajouter une chose, c'est que la théorie de la relativité générale, donc il y a le Perrielli, on a parlé de la déviation, et puis dans les années 60, il y a quand même eu une révolution, une double révolution, une révolution astrophysique, c'est-à-dire que l'astrophysique relativiste va naître avec les quasars, les pulsars, les trous noirs bientôt. Et donc, la relativité générale trouve là son champ, alors qu'avant, elle était réduite au champ newtonien. C'est-à-dire des choses très petites, 93 secondes d'arc par siècle pour Mercure. Voilà, là, c'était peut, tout. À partir de maintenant, cette époque, faire des mesures. On respire, on a large, quelque chose à faire, plus, et on va mesurer, si vous voulez, on va vérifier la relativité générale, par exemple, avec le pulsar binaire, d'une manière beaucoup plus précise qu'avec le Perrielli de Mercure. Le décalage du pulsar, il est en une journée ce qu'il était en un siècle pour Mercure. C'est donc extraordinaire. Choses ont beaucoup changé. Françoise Balibar, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Est-ce qu'il nous faut absolument, est-ce qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un nouvel Einstein pour franchir une étape supplémentaire? C'est une économie sans être une économie, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à attendre. C'est une façon, mais effectivement, de voir les choses. Ce que je voulais dire à propos justement de la compatibilité de la théorie quantique avec la théorie de la relativité, dont j'ai entendu parler toute ma vie, c'est une chose qui m'a toujours frappée, c'est que De Broglie, en 1922 ou quelque chose comme ça, a établi une relation tout à fait fondamentale pour le départ de la théorie quantique. Et il l'a établi en imposant un des réquisites de la théorie de la relativité restreinte. Autrement dit, les deux théories, à cette époque-là, fonctionnaient main dans la main. Ensuite, De Broglie a continué et a pris des chemins divers, qui n'étaient pas ceux de la majorité des physiciens. Et sur la fin de sa vie, il avait établi une théorie qui d'ailleurs ressemble beaucoup à une des nombreuses théories alternatives à la théorie quantique qu'Einstein avait inventée, qui est celle d'une double solution, c'est-à-dire que il y aurait une solution qui est celle de la théorie quantique ordinaire, si je peux dire aujourd'hui, où la fonction d'onde est liée à des statistiques, et puis une autre où il y aurait une onde U ou W, je me souviens plus comment il l'appelle, qui elle serait une singularité. Alors, il dit que ce n'est pas une singularité mathématique, mais il la pense comme une singularité mathématique qui, en somme, que tout ne serait que onde, et il y aurait une singularité quelque part qui correspondrait à la trajectoire de la particule. Aujourd'hui, tout ça, c'est passé par profits et pertes. Mais ce qui me frappe, c'est justement cette volonté. Alors, et pour introduire ça, il dit, il faut faire comme en relativité générale, c'est-à-dire avoir une théorie non linéaire. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais cette volonté de mener de front les deux révolutions scientifiques des années 1900, je trouve que c'est assez remarquable que c'ait été le souci de De Broglie, qui n'était pas n'importe qui. Alors effectivement, mais on se retrouve finalement dans une situation assez comparable aujourd'hui, finalement. Un siècle plus tard, on se retrouve avec une problématique qui est un peu similaire à celle à laquelle De Broglie, dont vous parlez, a essayé de s'atteler, Marc Lachaise. Oui, c'est un problème qui date d'un siècle. Einstein lui-même avait souligné la nécessité probable de unifier la physique quantique et la relativité dans une même théorie, et on est toujours dans ces efforts-là. Et pour les unifier, une des voies qui est actuellement explorée, c'est de quantifier la gravitation, comme on a quantifié, par exemple, l'interaction électromagnétique. Et comme le message de la relativité, c'est gravitation égale géométrie de l'espace-temps, ça veut dire qu'on cherche à quantifier la géométrie de l'espace-temps. Bon, c'est très difficile. C'est très difficile. On n'a pas parlé aujourd'hui de la théorie des cordes et ça, mais il y a quand même eu des tentatives pour essayer de trouver une nouvelle théorie. Toujours. Permettant. Bien sûr. Et bien sûr, ça continue, sauf que, semble-t-il, aucune d'entre elles n'arrive à percer et à prendre le dessus. On a des idées, mais par exemple, moi je m'intéresse à une théorie qui s'appelle la gravité en boucle, et avec certains succès mathématiques assez impressionnants, mais on n'a toujours pas une théorie. Mais d'un autre côté, est-ce que vraiment on doit quantifier la gravitation? On peut se poser la question, parce que quand on regarde la physique quantique elle-même, elle a beaucoup de problèmes, et peut-être bien que la physique quantique, finalement, ça n'est qu'une manière provisoire que nous avons de décrire une théorie plus fondamentale qu'on n'a pas encore trouvée. Donc ça ne serait pas la physique quantique et la gravité qu'il faudrait unifier, mais ça serait cette théorie que nous ne connaissons pas encore et la gravité. Donc finalement, construire une théorie qui ne serait pas dans le souci de quantifier forcément la gravitation, quelque chose de plus général. Eh bien, nous y reviendrons dès qu'elle sera prête et dès qu'on pourra vous en parler. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Françoise Balibar, Jean Eisenstadt et Marc Lachaiseret d'y avoir participé. Sciences Publiques, Dany Journeau, Romain Lenoir, Marie Dalquier, Michel Albergantine. Merci à tous. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 décembre 2015. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne à la page des nuits sur le site franceculture.fr.